vendredi 16 juin 2017. Oui. On va voir ce qui se passe. L'errance vénaldienne commence. Monte le volume et hume la différence. C'est parti. Mon qui. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Et voilà. Hein? C'est comme le... pas le bûcheron, mais presque. Là, tu veux comparer un bûcheron avec ce que t'as dans la tête. Je sais pas. Je commence à avoir peur, moi, là. C'est comme risqué. Non. Vas-y. Bourreau. Tu veux dire bureau? Non, bourreau. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben oui, la hache. Pas juste un bûcheron qui a ça, un bourreau. Il y en a qui tranchent des arbres, d'autres tranchent des têtes. D'autres, c'est la sève, certains, c'est le sang. Hey, mon Dieu Seigneur, t'as pas beaucoup dormi? Non. Non, un grave problème de somnolence profonde, quotidienne et jusqu'à plus soif. Oh! J'aime ça, cette expression-là. Jusqu'à plus soif. Plus ou plus? Ben, si ça me plaît, c'est plus. Si ça me plaît pas, c'est plus. Puis si c'est plus, ben, faut nettoyer, hein? Avec de l'alcool. Et surtout, ce que tu mets sur la plaie, ne pas l'avaler. Ne pas lécher la plaie. Parce que c'est pas le même alcool. Comment ça? C'est quoi la différence? Tu veux savoir la différence? Oui, entre les deux alcools. Quel alcool? Ben voyons, la plaie puis l'alcool go. C'est quoi ce go? Non, c'est glou. Ah, c'est, ok, cet alcool-là, tu veux dire, tu essaies de reconstituer, et j'ai dit essayer. Parce qu'il faut être généreux là, pour te laisser une place là-dedans. Là. Tu essaies de nous recréer une bouteille qui se vide tranquillement par la bouche. Peut-être par la bouche, mais par d'autres voies aussi. Ben, voyons donc, toi. Quelle voix? Ben, la voix, là. Pas l'émission épouvantable québécoise, la voix, puis dans toutes les autres langues, The Voice. Toutes les autres langues, en France, c'est pas la voix en France. C'est The Voice. Aux États-Unis, c'est The Voice. Au Nebraska, il n'y en a pas. Oh! Puis partout sur la planète, c'est The Voice. Pourquoi c'est juste la voix? Pourquoi ils ont utilisé la voix? Au Québec. Au même titre que nous avons Arrêt. Arrêt sur image. Oh, OK, oui, mais on aime bien s'arrêter, nous, pour contempler la francophonie. Histoire de réfléchir là-dessus. Puis c'est ça, quand t'es confronté à un ennemi, faut s'y arrêter. Faut examiner. Faut trouver des solutions. Il faut mettre ça de l'avant. Bien beau avoir des solutions, mais si personne ne s'y abreuve, si personne n'en prend quoi? N'en prend. Moi, n'en prendre deux, trois feuilles. C'est combien de. Non, ça, c'est un lexique. Un lexique. Lexique, ça me dit plusieurs pages. Ah ben oui, ah oui. Puis ça vient en plusieurs briques. Oh mon Dieu, des briques. Pas bien ça, les briques, moi, là. Ça, je me suis cassé trois fenêtres avec ça. Comment ça? Bon, je vais te raconter rapidement. Je me suis fait placer des vitres soi-disant incassables dans mon salon parce que je bouge beaucoup dans mon salon. Je suis vu par le peuple. Le peuple me reconnaît quand même. Hein? J'ai une émission anarchiste, libertaire, pamphlétaire. Donc, mes propos sont souvent conflictuels et les gens ne prennent pas tout ça au deuxième degré. Là. Il y en a le premier degré, puis ça reste là. Là. Ça ne peut pas aller ailleurs. Mais non, mais si on appelle ça des bouchonnés, ben oui, il y en a des bouchonnés. Les bouchonnés, c'est pas les habitués. Les bouchonnés, c'est des gens qui prennent ça au vol. Ils sont dans leur voiture. Partent la voiture. Comment? Démarre la bagnole. C'est pas leur bagnole, c'est celle de leur ancienne femme. Puis bon, elle lui a prêté parce que monsieur a fait une crevaison. Il n'y a pas de pneus de secours. Puis comme sa femme de l'époque était très consciencieuse, bien, elle tient sa voiture numéro 1. Donc, elle fonctionne numéro 1. Puis elle-même, c'est numéro et non numérotable. Ah, oh, quelle femme extraordinaire. Je suis tout le temps amoureux. Ah, d'accord. C'est une autre histoire, ça. Et puis, donc, elle lui prête sa voiture. Puis là, il veut mettre de la musique, là, tu sais. Puis il n'a pas d'amener de CD parce que c'est pas la sienne. Pas sa femme, mais je crois que c'est même plus la sienne aussi, sa femme. Depuis qu'elle l'a quitté, là, au moins, elle vit. Elle s'est dit, là, c'est fini, moi, là. Je veux m'épivarder, je veux m'ouvrir aux hommes, aux femmes, je veux vivre ma vie, j'ai juste une vie à vivre. Ben, c'est bien, tout ça, là, moi, c'est un langage que je comprends très bien et que j'approuve à 100 000 à l'heure. Je respecte autant les gens qui sont en couple. Il faut bien des couples quand même, une couple de couples. Parce que imaginez-vous s'il n'y a plus de couple, tout le monde va faire l'amour avec tout le monde, puis ça peut être... merveilleux. Oh! Et donc, quand je fais houé, là, c'est comme un arrêt de mon cerveau pour ouvrir un autre tiroir. On ferme celui-là, on ne met pas la clé. Ah oh, non, non, non. Si ça réouvre parce qu'il y a des traîneries, ça arrive souvent, ça. Tu sais, tu mets des bas, le tiroir est plein, tu refermes, mais ça ne ferme pas vraiment. Il y a comme une embouchure. Le gars est dans la voiture de son ancienne femme. Pas de CD à lui. Donc, il veut prendre la radio. Mais prendre, il veut syntoniser une chaîne. La première chaîne. Oh, là, ça glisse 89.1 CKRL, il m'entend. Dire des propos. Puis lui, premier niveau, il n'est pas capable d'aller ailleurs. Là. Hey, c'est déjà compliqué, là, hein? Prendre un volant, tourner la clé. Il y a des pédales, il y a deux pédales. Il y en a-tu deux? Moi je ne suis pas conducteur. Moi. Il y en a deux, hein? Ben oui, il y a arrêt, puis vas-y! OK, vas-y. Paye sur le vas-y, s'il vous plaît. Moi, j'ai déjà été instructeur. Moi. Ah, instructeur de voiture, là. J'étais... Comment t'appelles ça? Conducteur? Ben non, ben oui, je conduisais, mais c'est quoi? Rédacteur en conclusion? Voyons donc, oui. Agent de... En tout cas, professeur de conduite. Oh, c'est en plein ça, bravo! Oh, professeur de conduite. Et j'ai dit, place... ah ouais, mets le pied sur le vas-y. Depuis tout ce temps-là, mes étudiants, lorsqu'ils veulent démarrer, ils vont sur le vas-y. Ah ouais, vas-y! Puis à un moment donné, hey, arrête! Calme-toi! Tu sais, c'est le vas-y, puis calme-toi. Vas-y sur le vas-y. Ah ouais, vas-y. Pfft. Hey, calme-toi! Puis là, comme ça, comme Michel Leb, qui était professeur en philosophie, qui s'est fait mettre dehors à cause de son excentricité, il faisait des BD, lui, il faisait des personnages, il faisait parler Platon, Freud, Zsa Gabor. Monsieur, c'est une philosophe, Zsa Gabor? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Dans les arpents verts, là. Oh, on devrait sortir toutes les tirades de Zsa, là. Oh là là là là là là. Est-elle encore vivante, Zsa? Zsa peut dire ça, moi, là, Zsa pas d'ordinateur, Zsa coupé de la réalité. Moi, pendant toute mon émission, plus rien. Juste un micro, mon enregistreur. Je vous dirai pas la marque parce que c'est la meilleure marque au monde. Pas parce que je l'ai choisi. C'est parce qu'il m'a choisi. Hé, hey, c'est quand même sérieux, ça, là. Tu pourrais faire de la publicité, oui, oui. Moi, les choses que je me procure, c'est pas moi qui... C'est eux qui viennent à moi. Tu sais, je suis sur les internets, relax, le pompon à terre, tranquille, même pas sur mes gardes. J'ai pas le vas-y, j'ai rien, j'ai pas le... Non, non, non, tout est calme. Et puis, tout à coup, il y a une pub. Pas une pute, une pub. Publicité. Clique dessus. Arrive ce... Puis là, je regarde l'énumération, la description, les spécifications. Et là, je me dis, ouais, c'est intéressant. Numérique, oh, MP3, Wave, oh. Deux sortes de Wave, quatre sortes d'MP3, oh. Son en biphonique. XLR. Oh, deux prises XLR. Oh, ça m'a l'air que c'est pour moi. Tu peux brancher des micros là-dessus. Pour les non-initiés, là, des micros classiques là, de scène comme... qui d'autre? Véronique Sanson utilise pour ses spectacles. William Scheller. Richard Desjardins. L'autre, le parolier, non, le conteur, le Fred Pellerin. Même Rénal Gagné utilise, je dirais pas la marque, là, mais ce genre de choses-là. Puis quand tu penses ce genre de choses-là, tu te dis, quand même, ça devient professionnel, là. Puis là, ta tête, hein, commence à devenir rouge, là. Devenir rouge, comment ça devient rouge, ta tête? Bonne question. Non, parce qu'à force de me frotter, tu sais, je me gratte, moi, le cuir chevelu. Puis je fais saigner le cuir. Le cuir me saigne. Pourtant, j'ai les ongles courts pour ne pas griffer. Je me suis tout enlevé les dents. Tout fait arracher les dents parce que pour moi-même, je ne pouvais pas le faire. C'est bien beau à voir. Là, on a quoi? 34 dents? Le piano a 88 notes. 34 dents, 36. En moyenne, 34-36. Et là, ça fait la poupée. Hein? 34-36-22. Wow! Un petit, ouais. Mais, pardon? Un petit. Quel petit? Vous entendez pleurer un petit? Non, un autre petit. Il n'y a pas juste un petit. Il y a d'autres petits, là. Il y a des petits péchés. Il y a des petits repas. Il y a des petites rencontres. Il y a des petits albums. Puis il y a la petite musique. Puis pourquoi tout est petit pour certaines personnes? Puis d'autres, c'est incroyable, exceptionnel, unique! Celui qui utilise tout ça, là, incroyable, sensationnel, devrait se lancer dans la pub. L'autre, quand c'est petit, ben, ça donne-tu le goût à quelqu'un de voir, d'entendre une petite chanson? Non. Ce qu'on va entendre, là, c'est le succès. Pour la première fois, une chanson qui va nous rentrer dans les oreilles, dans l'oreille, se bloquer dans la matière grise, et ne jamais ressortir de par l'autre. Ben, l'autre matière grise, non, l'autre oreille. C'est d'en bloquer une et de faire rentrer ce qui te semble, pour toi, la meilleure chanson, ou une des meilleures chansons, pour qu'à un moment donné, les gens se sentent appartenir. Ah, mon... Oh, non, là, tu commences à parler, là, de... Oh, j'aime pas trop ça, ce discours-là, moi. Oh! Ah, ça me fatigue. Ah oui? Pourquoi? Ben parce qu'une chanson, on va te dire une affaire, c'est intimiste. Ça peut regrouper, oui, ça, j'ai rien contre. J'ai des titres en tête que je balancerai pas, que je mélangerai pas non plus. Mais faut pas faire de mélange là-dedans, très important, Mme Thibodeau. Mais il y a des chanteuses, des chanteurs, des groupes qui ont marqué, même s'ils n'existent plus, ils sont encore là, sur la pastille numérique. Et je suis tombé là-dessus, là. Puis pour les gens qui écoutent souvent la radio et très peu la télé, ben, ne vous en faites pas. Vous ne serez pas comme le groupe que je vais vous faire entendre. Vous ne serez pas victime de ce genre de stratège qui fait simplement passer de la publicité pour vous faire acheter n'importe quoi. We'll be right back. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children. Smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Choose, they croon, the ancient ones. The time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest to dance and save us with the divine mockery of words, music, and flame's temperament. Great creator of being, grant us one more hour to perform our art and perfect our lives. We need great golden copulations. When the true king's murderers are allowed to roam free, a thousand magicians arise in the land. Where are the feasts we were promised? C'était Niagara avec Jim Morrison. Pas ensemble, c'est pareil. Je veux pas partir de rumeur, quoi qu'il y en a un qui est poudreux. Y a-tu toujours été poudreux? Ah, je sais pas. Je veux pas non plus partir de... Je le connais pas intimement. À travers son œuvre, oui, mais ça se résume à ça. Le reste de sa vie, j'en ai vu, j'en ai lu, j'en ai connu des brides. Ça reste à lui, ça lui appartient. Vous souvenez-vous? Pas facile à dire, ça. Se souvenir. Vous souvenez-vous? Oh! Vous souvenez-vous du temps naguère où il n'y avait que de la paix? Vous souvenez-vous du temps naguère où il n'y avait que de la paix? De l'amour, la profusion que nous donnions à tout vent. De l'amour, la profusion que nous donnions à tout vent. Et que les gens ramenaient dans leur chez eux. Hey, mon Dieu, chez leur chez soi peut-être. Chez eux, c'est tout à fait québécois. C'est un québécisme. Chez eux. Chez nous. S'il y a du soleil à Paris, il y en a partout. En même temps, la semaine dernière, je cherchais tout le temps. Je suis toujours en train d'essayer de trouver le nom, le terme, la structure, là. Mais on y arrive quelquefois. Mon nouveau générique qui viendra sous peu, qui naîtra dans quelques semaines, ne sera pas trop différent, puisque le début, oui, mais le reste, non. J'avais parlé d'un musicien, Christo, cuisinier. Christo! Mais non, il ne s'appelle pas Christo. Il s'appelle Sergio. Et le batteur, c'est Monsieur Paquette, le batteur qui est aussi éclairagiste, qui s'occupe, qui fait du spectacle vivant, mais c'est un technicien, musicien, qui a formé des groupes qui en a créé, qui en a quitté, puis qui travaille encore là-dedans, dans ce milieu-là. Donc, nous allons entendre dans quelques semaines, nous concocterons pour vous un nouveau générique, histoire de rafraîchir les tympans de mon public. Et le public, c'est vous. Mon public, à l'unité, s'il vous plaît. Moi, j'aime bien l'unité parce que ça me donne la chance de croire qu'il y en a peut-être deux. Ben oui. La fille qui m'écoute, qui est enceinte, ça fait deux. La maman, le petit bedon, le petit bébé. Alors, je voudrais dire à tous les fœtus, donc que j'appelle aussi, il y a quelques années, j'ai appelé ça les fêteux, parce que c'est un méchant parti dans le bedon de la mer. Ah! Oh, allô, les fêteux! Parle aux fœtus, hey, attention. Avez-vous déjà entendu ça à la radio, là, que quelqu'un, un animateur, s'adresse aux fêteux, aux fœtus, donc aux futurs bébés de la mer? Oui, je ne vais pas parler au nouveau fœtus du père. Mais oh, c'est pas encore là, puis j'ai peur. On va se contenter de ce qui est plus normatif. C'est rare dans mon cas que je me conforme au normatif. On va parler, on va discuter, on va discourir avec le fœtus. On y va? Mais j'ai comme une petite quinte au niveau de la parole. Comment on s'adresse au fœtus? Voyons donc, c'est un adulte à venir, là. Ça va faire un citoyen qui va voter. On lui parle comme un être vivant. Car il l'est, mais pas encore autonome. C'est la maman qui le prépare. Alors, toutes les mères enceintes, là, rapprochez-vous de votre radio. Allez chercher votre verre d'eau, pas de glace, là. Parce qu'il ne faut pas trop rafraîchir, amener du froid au fêteux. Parce que le fêteux n'aime pas trop ça, le froid. Il aime ça, la chaleur maternelle. Alors, on va leur laisser le temps d'aller chercher un verre, de trouver un verre. Je vous conseille, moi, une coupe de vin, mais pas le boire, là, mais une coupe de vin, puis mettez de l'eau dedans la coupe. Ça va vous faire comme si vous étiez à un moment donné, là, une petite soirée tranquille. Voyons donc, je comprends pas ce qu'il veut dire. Mais écoutez. Si la mère sort de sa coutellerie, une coutellerie, c'est des ustensiles. Ben non, ça peut être des verres, des coupes, une coupe de vin. Mais elle ne met pas de vin dedans, là. Elle met de l'eau. De l'eau fraîche. Pas de l'eau en bouteille, de l'eau du robinet, s'il vous plaît. Place ça à côté d'elle. Puis elle va en boire, là, comme si c'était de l'eau. Puis en même temps, dans sa tête, « Oh, plus tard, quand le petit sera au monde, je vais pouvoir me gâter un peu. Hein? Vivre, revivre. » Là, tu vis pas, là. Tu vis pas, là. Tu es dans un monde fabulatoire. Tu vas donner la vie. Tu es dans un cocon. Et c'est bon de vivre le cocon. Je l'ai vécu, moi. Mais je ne suis pas une femme, là, mais avec mes blondes. Deux fois. C'est merveilleux. Je le referais n'importe quand. Tu te soustrais au monde pour entrer dans quelque chose de très intimiste que l'on appelle la naissance. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Mais faites comme je vous ai dit, s'il vous plaît. Allez chercher une coupe, mettez de l'eau dedans. Je vous reviens. Dans quel sens? Ben, on va attendre, là. Elles font couler l'eau. De l'eau fraîche. Du robinet, s'il vous plaît. Merci. Bon, voilà. Oh, tiens, voilà. Pieds nus. C'est intéressant, le pied nu, parce qu'elle est en contact avec la terre. C'est bien. OK, on y va. Là, tu vois quoi? Là? Tu vas faire quoi? Je vais parler au fêteux. Oh, c'est vrai! Je m'en souvenais plus. Hey, heureusement, je suis là pour te diriger. Oh, à peine, hein? Tu diriges pas, toi. Toi, tu pointes. Tu pointes tellement dans le vague qu'on sait même pas c'est par où. Mais là, c'est par là. OK, on y va. Le fêteux. Montez pas le son de la radio. Si vous avez des écouteurs, placez vos écouteurs. On y va. Je sais pas, l'eau fait, faites-vous en pas. Ça va bouger dans votre ventre, c'est normal. Prenez une petite gorgée d'eau, là-bas. Voilà. Bonjour, fêteux! Il ne pleut pas. C'est ta maman qui a bu de l'eau. Oh! Hey, j'ai une chanson à te chanter. À te faire connaître. Toute la pluie tombée sur moi. Et là, ça, tu vas l'entendre. Et moi, je fais comme si je ne la sentais pas. Mais là, tu l'as senti. Hey, tu vas avoir le cheveu propre. Un petit peu de chlore, ça fait du bien. Ça éclaircit les idées. Tu vas voir. Tu vas pas juste voir, tu vas entendre. Et j'espère que tu vas plutôt entendre que voir. Il faut développer son système auditif avant même de se cueillir vers le visuel. De se cueillir, tu te cueilles-tu, toi? Je parle au feuilleteux. Hey, le feuilleteux, pas pire la fête à soir, là. La surboom. Qu'est-ce que ta mère a mangé? Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est merveilleux. C'est bon, hein? Ah, à s'en lécher les doigts. C'est pas la même chose que je pensais. Oh, non, non, non. Si c'est ça, là. Très mauvaise idée. Change de tuyau. Mais il y a juste un tuyau, voyons donc. On appelle ça le cordage. Mais non. C'est le fil conducteur entre la mère et l'enfant. Hey, l'enfant, feiteux, excuse-moi, parce que tu n'es pas encore enfant, selon... Mais il y a une législation. Non, non, non, on doit te respecter. Puis si ta mère là, frappe sa bedaine, c'est parce qu'elle a ri. Elle n'est pas en train de te punir. Là. Elle dit, ah, ah, ah, c'est normal. Puis aussi, si tu bouges trop, elle peut te remettre un peu à l'ordre. Hey, wow, wow, wow, wow, là-dedans, là. Wow, wow, wow, wow, wow, tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Ça, c'est, elle te prépare à ne pas prendre de médication parce que tu es trop agité. Elle est zen avant le temps. Elle. Ben, en fait, elle te prépare à être zen avant le temps. Elle est visionnaire. Elle fait du yoga. Puis en même temps, toi, tu le fais sans le savoir. La tête en haut, les pieds. Oh, c'est pas pire, hein? Elle fait tout, je dois te quitter parce que j'ai une émission à faire. Mais t'es le futur membre de CKRL, hein? Là, c'est 25$ pour les membres. Et en même temps, je me demande, là, je vais discuter avec le regroupement CKRLien. Comment ça pourrait te coûter, toi, le feiteux, à devenir membre? Parce que t'es pas encore au monde, là. Moi, je mettrais peut-être 12 piastres et demi. T'as-tu des économies? T'as-tu un compte de banque, toi? Ta mère t'a déjà préparé. Ah, mais toi, personnellement, là, t'as-tu de l'argent dans tes poches? Comment ça, t'es à poil? T'es nu? Ah, t'as le droit. Moi, là, non, je suis pas en train de juger, là. Tu fais du nudisme avant le temps? Moi, je suis né. Ah, OK, tu me poses... Hey, quand t'es intelligent, tu me poses des questions. Si je suis né habillé, moi, je m'en rappelle plus. Je suis même... Hey, je suis pas certain d'être né. Ça, c'est hautement philosophique. C'est intéressant. Êtes-vous sûr d'être né? Pour ça, il y a du monde qui se pose tellement de questions, qui font des régressions, qui essayent de se remettre au mode fœtus. Ça, c'est quand même assez assez spécial. Je suis très ouvert là-dessus. Moi, j'ai aucun problème. Mais quand c'est pas moi, j'ai aucun problème. Quand c'est les autres, là, bravo. Je vais vous lire un texte. Après avoir lu, pas lu, écouté. On a écouté ou on a lu Jim Morrison? Ah, ben, ça dépend. Est-ce que si tu lis sur les lèvres, ben, tu l'as lu. Parce que lire sur les lèvres, ça vient de le dire, là. Mais à la radio, on peut... C'est les ondes. Alors, les ondes arrivent à te faire comprendre ce que le chanteur chante. Pas pire, intéressant. Mais lui, il a plus ou moins chanté, lui. Il a narré. Comme ce que je vais faire actuellement. Je me souviens, malgré le travestissement du quotidien, l'hypocrisie de l'existence, la fabulation du temps, je sens et renifle encore les souvenirs poussiéreux, mais la passion encore vierge, intacte. Ça a été écrit, ce texte, un samedi, après-midi, 18 mars, à 18h, non pas à 18h, à 18h, moi là, je suis pas là, là. Ben, je suis là, je fais une émission, je fais Errance Rinaldienne. Comment ça, c'est pas à 23? Ben non, je veux juste te mêler, ben voyons donc, c'est une blague. Si on peut plus rire, hein, il reste plus grand chose. L'humour, ça nous amène partout. Est-ce que j'ai changé ici, je me souviens, malgré les travestissements du quotidien? Imaginez l'abstraction totale. Ah oui, non, c'est celui-là que je vais vous lire. Parce que l'autre, c'est la semaine dernière, vous vous souvenez? Pas très bien, bon, OK. Imaginez l'abstraction totale. étalé de tout son long, montrant sa vulnérabilité aux quatre recoins du possible, dans l'indécence complète, la liberté dénudée, découverte et offerte à la création. Imaginez l'anarchie, la vie dans tout sa fiesta, et les mots dans tout ça, qu'il rayonne, qu'il explose dans l'incarnation du possible. C'est encore moins. Même journée. Mais ce que je vous ai lu avant, c'était le premier texte. L'autre a été le deuxième. Ça, c'est un... Hein? Si vous avez, un jour, vous faites ma bio, là, oubliez-le pas. Bio, oubliez-le pas. Ah, non, il n'y a pas de jeu de mots, là. Non, non, là, faut rendre le jeu de mots au jeu de mots. Mais là, il n'y a pas de jeu. Il n'y a que des mots. La semaine dernière, on s'est amusé, on a eu du plaisir, on a pu entendre un être, un homme extraordinaire. Et c'est la suite. La suite de qui? Ben pas la suite de qui, la suite de quoi? Oui, la suite de quoi? Ben, merci, hein? Je t'aide un peu là-dedans, là. Dans le cafouage, dans la cacophonie, dans le cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Fais penser à la chanson de Gainsbourg, là. Le poisson, rugit, ulule, la chouette, le lapis, le bandeau qu'on wasse, le serpent, top, top, top, top, top, toi, toi, toi, toi, sois belle et tais-toi. Très misogyne, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est Gainsbourg, on lui pardonne. Mon Gainsbourg, je te pardonne, reviens vite auprès de moi. Reviens vite que je te donne toutes mes inspirations. Mes inspirations d'autrefois, monsieur. Aujourd'hui, le vendredi 16 juin 2017, les Errances Rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée. À Jim Morrison. Laissons les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon ami Renaud Bernal au fil. Que je n'ai pas trouvé le fil encore. Mais le lien Ariane, c'est lui. Il a rencontré. Et Bergman a composé pour lui. La musique, c'est de Renaud. Pas ce Renaud-là, là. Mon Renaud Bernal à moi. À la fin de la rencontre, quelques minutes avant notre propre fin radiophonique. Bien, voyons donc, toi, tu te sens partir. Non. Avant la fin de l'Errance rénaldienne, nous entendrons la suite et la fin de mes bancs publics. Donc, je m'arrête pour mieux vous faire apprécier mon ami. Je sais pas que c'est devenu mon ami et lui aussi. Est-ce que c'est vice-versa? C'est ça, la question que tu te poses? Oui. Nomen Steps. Saint-Tropez. Saint-Tropez. Est-ce que ça te pèse lourd de savoir que t'es l'ami de Renaud Bernal? Non, au contraire. Je me sens comme l'oiseau. Le pigeon voyageur, et grâce à lui, grâce à ses chansons, grâce à sa musique, nous allons ensemble voyager. La preuve. J'ai trois mots pour toi, trois mots ou plus je ne compte pas. J'en ai assez de me confondre, de me croiser, ne voir que moi. Parle-toi de tout, parle-moi de rien de nous. Offre-moi un verre, sans la glace, un talisque. C'était quand la dernière heure, ou une fois t'étais plusieurs, ou pour l'amour tu étais deux. C'était quand c'est si loin, c'est si vieux. Joue-moi Talking Alone, baby. Voir si tu joues mieux que moi. Je juste un toc égalo qui restera entre toi et moi. Et toi, j'ai deux mots pour toi. Je te devine, regarde-moi. Dis-moi ton nom, dis-le tout bas. Viens plus près, existe-moi. Parle-toi encore. Parle toujours de rien plus fort. Offre-moi un verre, un deuxième en plus amer. C'était quand la dernière heure, ou une fois t'étais plusieurs, ou pour l'amour tu étais deux. C'était quand c'est si loin, c'est si vieux. Joue-moi Talking Alone baby, vois si tu joues mieux que moi. Juste un Talking Alone qui restera entre toi et moi. Oh, offre-moi l'instant à te faire, à te défaire, jouer à nous laisser faire. Mais plus rien ne va et l'instant en reste là. Talking, talking, no more talking, baby. Je ne compte pas. Dis-moi ton nom, dis-le tout bas. Viens plus près, existe-moi. Joue-moi Talking Alone. Vois si tu joues mieux que moi. Juste un Talking Alone qui restera entre toi et moi. Joue-moi Talking Alone. Vois si tu joues mieux que moi. Juste un Talking Alone qui restera entre toi et moi. Alors il va me dire que c'est du rap américain aussi ça, ou ça, je sais pas, moi si tu veux, j'arrive pas à faire une grande différence entre les uns ou les autres. Il est plutôt rap ou... Non, il aime de tout si tu veux, il reste ouvert à plein de groupes. Alors dernièrement ce qui était marrant c'est qu'il il me chantait Purple Rain. Et il me chope une version à la con. Ah, il est musicien ? Non, okay. Il aime bien chanter, okay. Si tu veux. Et il est toujours en train de chanter à la maison, ça doit être une marque de famille, de fabrique. Et il me fait une version sur internet, mais une version à la con, parce que c'est pas si simple d'avoir une version propre de Prince sur le net. Et je lui dis, mais c'est quoi ce truc-là, de version me fait là ? Bah attends, j'ai le disque. Et donc il était tout content d'avoir de prendre le disque et de mettre le disque et d'écouter la chanson quoi. Mais c'était Prince, Proper Red, le vrai truc si tu veux. Et souvent il écoute pas mal de... Est-ce que t'aimais ça? Bon, je suis pas un grand fan, mais c'est très joli, c'est très bon. C'est pas quelqu'un qui m'a rempli d'émotions si tu veux au niveau du jeu de guitare ou du chant. Est-ce que c'est juste David Bowie? David Bowie, c'était vachement bien. C'est quelque chose qui m'a vachement marqué, si tu veux. Ma sœur, en plus, est une très très grande fan de David Bowie. J'aime beaucoup, on s'aime beaucoup. Et le décès a été une grande grande tristesse. Et le dernier opus ? Eh ben, écoute, il est bien. Hein. Et, tu as remarqué la chanson de Davido ? Je sais pas, mais... Une minute 20. Il parle de la vie. Là. Non. Il a mis dans son album une chanson de Davido. Je sais que ce qui m'a fait drôle, c'est qu'à un moment, t'entends des cuivres, un tarif de trompette, paradam, paradam, paradam. Ça fait, c'est quasiment la même chose que le Jardin du Luxembourg pour sur Jodassin. Et j'étais là. D'ailleurs, quand on a écouté ça, j'étais avec Kara et tous les deux on s'est regardé. Putain, c'est le Jardin du Luxembourg. Et tout le monde est arrivé à ce consensus-là. Que le son donnait ça comme idée. Et ben après on s'est mis le Jardin du Luxembourg et on était d'accord. C'est que je sais plus laquelle c'est. Mais c'est très simple l'album de Bowie, son dernier opus. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Et j'ai fait une belle rencontre aussi, j'ai rencontré Ken Scott. qui est l'ingénieur son qui a essentiellement fait, qui a entre autres fait David Bowie, Ziggy Stardust, ce truc-là. Et c'était très peu de temps après son décès, c'était très émouvant. Et oui, il a fait une conférence au studio Abbey Road. Sur David Bowie ? Sur sa carrière, si tu veux. Mais automatiquement, il parle de Bowie, et puis en plus, oui, tout en anglais. Et il a les fichiers sources audio. Donc t'entends des choses qui sont fabuleuses, quoi. Parce que c'est cligné. Ah bah ouais, t'entends toutes les guitares, t'entends les remixes, ils étaient sur 8 pistes. Donc on passe. C'est un master, un genre de master. Bah et si tu veux, c'était même mieux que ça, puisqu'on avait les pistes séparées. Moi j'ai entendu David Bowie chanter sans reverb, sans aucun effet. Le seul que j'ai juste la voix. Et il y avait plein d'émotions, et à la fin il est en train de pleurer sur le truc, il nous a fait écouter un truc qui est sur la bande, si tu veux, quand tu entends ça, il était tellement... Est-ce que c'est extrait de son dernier album ? Non, c'est extrait des prises que lui a, si tu veux. J'ai pu écouter les remixes, le passage de tant de pistes de guitare enregistrées pour l'album All Things Must Pass, si tu veux. Hop, et on mixe tout, et puis t'as tout une seule... C'est du délire. Et puis avec les petits tips, comme il nous disait, George Harrison, il pouvait pas monter plus haut au niveau de certaines notes, donc ils ont accéléré la bande pour les chœurs. C'est de la magouille, mais de la magouille. Mais elle est belle. Mais c'est ça, la musique. Et c'est ça. Et c'était génial. Et alors le truc qui était, l'anecdote qui était la plus bluffante, c'est sur la chanson From Mars, là. Ah oui, ça c'est des années 70. Et donc, à la fin de la chanson, t'entends le téléphone sonner. Et en fin de compte, il nous raconte que le téléphone, il était dans la pièce d'à côté au studio, et qu'il ne sonnait jamais, il n'a jamais sonné. Et que c'était juste pour les musiciens, pour qu'ils puissent téléphoner. Et à la fin de la prise, qui était la prise, ce téléphone sonne. Et ils n'ont jamais réussi, à le virer. Donc c'est vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Et c'était vraiment l'anecdote de l'enregistrement. Mais c'est bien d'avoir des références, hein, parce que lorsque tu réentends, tu dis « Oh !» Et si, bien sûr, c'était très agréable. Et puis surtout, en plus, il nous disait que pour lui, la chose principale, c'est respecter le son du studio, le son des musicaux. Et c'est vrai, il ne faut pas aller travailler, bidouiller 10 ans derrière avec un Pro Tools ou quelque autre chose. C'est en studio que tout se passe. Tu places bien ton micro, tu fais une bonne prise parce que tu connais bien ta chanson. Et derrière, tu as quelque chose qui est authentique et qui est vrai. Jouer tous ensemble, c'est vachement bien. Moi, je trouve que ces rencontres-là avec ces ingénieurs son, j'ai rencontré aussi le Canadien George Massenberg. Qui sait faire aussi en son, quoi. Et ils te disent, tout se passe au moment où c'est joué, c'est pas après, quoi. Il y a de la magie. Ouais. Il faut garder la magie. Et sinon, on la perd. Si on perd tout, il faut arrêter de mettre des machines de partout, quoi. Et surtout, même s'il y a de la perfection, il faut garder, comme le téléphone qui sonne. Ben voilà, ouais. Et elle est gardée, et avec l'imperfection de la salle et de la scène, après, c'est à toi de placer bien ton micro, d'essayer de bien savoir ce que tu vas jouer, et puis de laisser place à la magie du moment, quoi. Tu te souviens, il y a un album de David Bowie, c'est la première fois qu'on travaillait le son de cette manière-là, la voix de Bowie. Un micro en avant, un micro en arrière, puis on coupait. Ouais. As-tu pensé de faire ça éventuellement, toi? Ah ça, si tu veux, je suis pas assez costaud pour faire ça au niveau du choix des micros. Non, au niveau du choix des micros pour pouvoir dire tiens, on peut essayer l'enregistrer comme ça. Déjà, il faut avoir un panel de micros conséquent. Je n'ai pas. C'est sûr que tu veux pas mettre un Shure SM58 en avant avec un Shure SM58 en arrière. Il faut savoir, si tu veux, il faut bien connaître, est-ce que dans ces cas-là, ça va être un micro à ruban qui va être plutôt à un moment ou un autre pour justement avoir un côté plus doux. Enfin, est-ce qu'on branche un fantôme après ça, tu sais, la plus fantôme? Oui, et puis si tu veux, le fait d'avoir de l'air, c'est la meilleure compression possible. Donc aujourd'hui on chante en proximité au niveau des micros, donc on est obligé de mettre un compresseur. Oui. Mais avant, on avait toujours des micros qui étaient éloignés, ce qui fait que tu pouvais balancer vachement plus fort. C'est pour ça qu'on a des gros sons. Gainsbourg a fait des trucs incroyables avec ça. Hein. Et on a des gros sons, si tu veux, dans les albums des années 70, parce qu'on a des sons qui sont vachement puissants, parce qu'en fait, les micros sont éloignés et on joue fort. Et le fait de jouer fort, t'entends tout. T'entends tout, t'entends les défauts, comme en même temps t'as la magie de ce qui balance, quoi. C'est pas pour autant qu'il faut s'abrutir les oreilles, mais le volume, ça a un lien indéniable avec la finalité de la chanson. Mais à travers ça, à travers le travail de studio, c'est là que tu prends ton plaisir à bidouiller. Et ben en fait, ce que je fais en studio, si tu veux, j'essaye de vraiment respecter le début jusqu'à la fin. Si je peux faire qu'une seule prise, je suis vachement content. Par contre, lorsque je travaille sur la réalisation de la chanson, avant enregistrement, je suis en studio pour travailler. Ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, tiens, là, je vais faire plusieurs prises. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc je vais me remonter la chanson, si tu veux, en me disant, ok, tu dois la chanter comme ça, comme ça, comme ça. Et après, je me la travaille. Et par contre, je privilégie la prise unique, quoi. C'est ce que je vais essayer de privilégier. Tu veux aussi que l'authenticité soit là. Ben, et puis en même temps, c'est au prix des petits défauts sonores. Alors les bruits de bouche, les choses comme ça, c'est génial le numérique parce que tu peux les virer. Et ça, c'est quand même. Moi, je trouve vachement bien, quoi, de pouvoir virer certains bruits de respiration. Je vais t'expliquer un truc, mais peut-être pas. Je vais t'expliquer. À un moment donné, l'ascenseur pour l'échafaud, Miles Davis. L'album et le film de Louis Malle, lorsqu'il a fait la trame, oui. Il jouait, puis à un moment donné, il s'est retiré la trompette et il y a un morceau de ouais, il y a de la peau qui s'est arrachée et il y avait de l'âge qui circulait un peu plus. Il a gardé ça, ça donne tout l'album. C'est ça le plaisir. J'ai un copain qui jouait une fois en studio et il était sur un grand tabouret. Et il était dans son truc et il s'est cassé la gueule. Mais il a continué à jouer. Ok. Ça a été gardé. Hein. Mais, gardé. Mais le micro était branché à l'instrument. Il n'était pas branché. Pas branché autour de lui. Okay. Donc ils ont gardé la prise. Mais non, c'est bien pour ça le studio. Je trouve que aujourd'hui j'ai envie de revenir sur. Je suis pas dans un travail de recherche. Parce que je sais pas faire. Et donc d'être par exemple en studio et me dire tiens on va essayer ça, on va essayer ça, on va essayer ça. Je sais pas faire ça. Par contre, amener une chanson finie ou quasiment finie et en disant voilà, et puis qu'au dernier moment on va changer juste deux trucs parce que ça en découle, et ça c'est clair. Mais sinon je sais pas faire cette recherche. Ce qui est intéressant, et tu viens d'y répondre, c'est que tu n'es pas un bidouilleur, mais tu es comme le folk. Tu veux les racines, tu veux une seule prise et tu veux sentir que la chanson est bonne quand il n'y a pas de fleuriture autour. Oui, oui. C'est ce que tu veux. Ouais. Et après, tu mets une jolie réverb, t'as un joli micro qui a été adapté à ton grain de voix. Et puis t'as des musiciens qui arrivent derrière. Habiter en face, tu ne me connaîtrais pas. J'irai jusqu'à ma fenêtre pour te voir vivre sans moi. Si tu habitais en face, à deux pas de mes dix doigts, de temps en temps face à face, en face de moi. Si tu habitais en face, si tu vivais juste là, j'irai jusqu'à ta fenêtre, je te frôlerai, crois-moi. Si tu habitais en face, si tu étais juste là, je réduirais cet espace pour me trouver près de toi. Je regarderais ta vie, mais je ne l'aimerais pas. Partager tes secrets, ça ne me plairait pas. Je regarderais tout près, qui te sourit, te tutoie. Si tu habitais en face, tu ne me connaîtrais pas. Si tu habitais en face, si tu vivais juste là, j'irai jusqu'à ta fenêtre et je te frôlerai, crois-moi. Si tu habitais en face, côté pile de mes dix doigts, de temps en temps face à face, face à face, en face de moi. Et si j'habitais en face, si je vivais juste là, je caresserais ton histoire, appuyé contre toi. Un murmure, un frisson que personne n'entendra. Un moment face à face, face à face, en face de moi. Je regarderai ta vie, mais je ne l'aimerai pas. Partager tes secrets, ça ne me plairait pas. Être là pour si peu de toi, regarder ce que je n'ai pas. Si tu habitais en face, tu ne me connaîtrais pas. habiter en face, tu ne me connaîtrais pas. J'irai jusqu'à ma fenêtre pour te voir vivre sans moi. Si tu habitais en face, à deux pas de mes dix doigts, de temps en temps face à face, face à face en face de moi. Si tu habitais en face, si tu vivais juste là, si tu habitais en face, côté pile de mes dix doigts, de temps en temps face à face, face à face en face de moi. Si tu habitais en face, si tu habitais en face. En face, tu ne me connaîtrais pas. CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald dans le monde. Mais il faut pouvoir, aujourd'hui, dans ma philosophie, dans mon regard sur ma musique, il faut que je puisse chanter mes chansons tout seul. Est-ce que ta voix a changé? À d'autres, tu étais dans des groupes, donc la voix était peut-être un peu plus haut perché. Ou si tu avais déjà une voix très grave, la mutation s'est fait jeune? Je sais pas. Je crois que... non, je dois avoir un timbre qui n'a pas trop bougé. Depuis quel âge, là, quand même? Je sais pas. Je pense, par contre, il s'affirme de plus en plus, mon timbre, si tu veux. À cause de? À cause du travail. Mais t'es pas fumeur, donc... Je suis plus fumeur. J'étais un gros fumeur. Et j'ai arrêté de fumer, mais ça, il y a presque 20 ans que je ne fume plus. Peut-être un peu plus, maintenant. Mais là, tu restes en champagne. Et je bois plus de café. Et je bois plus de café. Depuis deux ans, je bois plus de café. Et tu picoles pas? Ça m'arrive. OK. Dis, ça m'arrive. Et là, t'es un champignon. Si tu picoles pas, il y a... Mais puis même, mais j'adore. Plus de café? Eh ben écoute, un jour j'étais un gros consommateur de café. Gros, c'est-à-dire quoi, là? Je sais pas, avec les machines expresso, tu fais des doubles, j'étais à 10-15 par jour. Donc, et puis un jour, j'ai plus envie de boire de café. Donc, le cœur. Même pas, non, c'est le goût. J'ai plus envie. Ah, tu vas-tu dormir? Bah ouais. Tu sais, quand tu fais des grosses journées, généralement, je me couche toujours épuisé. Donc, je dors toujours. Sinon, tu dors pas quand t'es pas épuisé? Bah, j'ai toujours un truc à faire. C'est surtout ça, quoi. Es-tu dans l'urgence? Est-ce que tu te considères comme un gars d'urgence? Non. Plus pas aujourd'hui. Non, je pense que je suis toujours en réflexion, par contre. Toujours en train d'y réfléchir, de réfléchir. Tu cogites constamment. Ouais, j'ai une grosse part d'insouciance aussi. Mais ça arrive quand t'es artiste, hein, parce qu'il faut pas voir ça. Faut pas attendre l'argent tomber parce que. Ah bah sinon je suis mort. Hein. Ouais. C'est si, la passion, toi, qui t'a. Si tu veux, si ça tombe, bah, c'est juste tant mieux, quoi. Mais en attendant, pour moi, ce qui m'amène le plus de bonheur aujourd'hui, c'est de faire de la musique. Hein. C'est de chanter et de jouer de la guitare. Je prends vraiment grand plaisir, comme tu vois, comme te jouer la Love It, et à Love It, j'adore cette chanson et je prends beaucoup de plaisir à la chanter, mais chanter toutes les autres chansons, c'est un régal pour moi. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment ma source de plaisir. Le soir, quand tu es dans ton salon, es-tu souvent avec ta guitare? Il y a des guitares partout, il y a toujours une guitare. Tu la prends souvent? Oui, tout le temps. Ouais, c'est tout comme temps. Ça faisait partie du jeu? Oui, et puis si tu veux, il y a le fait de... Et la rigueur, je veux dire que si je ne peux pas chercher la guitare, ça me démange. Je me dis, putain, j'ai envie d'y aller. Quelque chose, là, c'est ton double. Ouais. La guitare est un double, est devenu un double pour toi. Voilà, et puis associé aussi vraiment au chant, plus ça va, plus je le... Alors je pense que les années précédentes, je me suis considéré beaucoup plus en tant que guitariste plutôt que chanteur, donc à me cacher derrière la guitare plutôt que mettre un chant en avant. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec le chant. Et donc, d'ailleurs, toutes les parties un peu compliquées que je pouvais essayer de faire, de reproduire au niveau guitare, maintenant je les laisse à l'autre guitariste et je me concentre sur le chant. Ouais, sur le chant. Tout en prenant beaucoup de plaisir à m'accompagner et à avoir ce support guitare. Mais tu peux à un moment donné prendre la guitare et l'accrocher et Le truc, c'est qu'aujourd'hui, je focus sur le chant. Et, est-ce que ça t'arrive de faire uniquement chanson sans guitare, micro? C'est très rare. Okay. Très rare. Parce que tu sens comme la guitare te protège du public. Oui. Sans savoir. Ouais. Mais j'y viendrai, parce qu'au bout d'un moment, c'est obligatoire. Il faut vraiment avoir... Alors, en concert, si tu veux, on est à quatre. Et à un moment, je me retrouve tout seul. Et je joue tout seul. Guitare-voix. Mais j'ai regardé des vidéos, tu l'as jamais dit à mon genre, mais tu as sorti un DVD. Oui, exact. Ouais, tu vois, je suis pas un bon commercial, j'y pense pas. Non, mais c'est ça. Et on voit que tu te sens à l'aise sur une scène. Puis c'est beau, la scène que tu... C'est vraiment des belles salles. Merci. Ben, on essaie que chaque concert soit beau et soit une belle fête et sans restriction d'efforts à cela, sans limite de matériel, sans limite de quoi que ce soit, pour que tout le monde public et que nous on ait du confort et que le public se régale, quoi. C'est impératif. Est-ce que tu es content de ton DVD? Oui, j'en suis content. Surtout qu'en plus, pour l'anecdote, c'était le premier concert des compos. On n'avait jamais joué ensemble sur scène avant. C'était risqué, mais c'était l'occasion qui s'est présentée au niveau de la captation vidéo. Les mecs, ils nous ont dit, on peut vous faire ça. Et connaissait quelqu'un à l'époque qui était copine avec cette boîte de prod et qui avait envie de faire autre chose que de filmer des bouts de bois. Et ils se sont proposés pour filmer le concert. Et ce concert est arrivé et c'est le premier concert où on n'avait jamais joué ensemble. Quand tu le réécoutes, tu en es fier ou tu trouves tous les défauts du monde? J'en suis vachement content. Okay. Je trouve qu'il y a, il y a plein de défauts, bien sûr, mais d'un autre côté, c'était un super challenge et c'est une belle réussite. C'est une belle carte de visite. Est-ce que tu le présentes comme ça? Il y a 18 titres. On a fait 18 titres à ce concert. Alors c'était un concert un peu particulier parce qu'il y avait plein de gens dans la salle qu'on connaissait, si tu veux, que je connaissais de manière directe, donc on leur raconte des choses, on parle avec eux, des amis, un peu de famille. Il y a ma sœur qui était venue exprès du concert, je ne savais même pas qu'elle était là, et elle est venue exprès, elle a dévié un vol, elle devait aller en Écosse, elle habite au Colorado. Colorado, juste pour t'avoir? Elle en est capable, et elle l'a fait, donc si tu veux. Et je ne savais pas qu'elle était là en plus. Mais tu l'as rencontrée après le spectacle? Ou tu l'as vue dans la salle en chantant? Je suis arrivé, et dans les applaudissements, juste avant d'entrer sur scène, j'ai entendu sa voix. Je me dis, putain, et puis elle était là, et je fais, merde. Non, j'ai pas dit merde, je me dis, putain, il y a ma sœur, mecs. Et je fais, il y a ma sœur. Ah, il faut que je me protège. Je suis carré un peu loin, c'est dommage, sinon je t'en aurais donné. Hein. Et donc c'était génial, quoi. Et c'était plein d'émotions. Et puis en même temps, tu sens une force qui est donnée par les gens qui t'aiment. Et donc, c'est un beau cadeau, ce DVD. C'était un beau cadeau. Parce que ça n'a pas coûté très cher non plus, là. C'est des amis. Ah ben voilà. Ce sont des professionnels qui se sont proposés. Et le son, es-tu fier de ton son? Et alors, le son, on a fait une captation, si tu veux. Stéréo? Non. On a fait du multipiste. Et le multipiste, on l'a retravaillé par contre derrière. Oh, ok. On l'a retravaillé et pour l'info, j'ai dû refaire la guitare acoustique. C'est la seule chose qui a été refaite. Parce que. T'es déjà à retravailler le live? Ah, bah là, il fallait, si tu veux, parce que. On n'a pas tout repiqué, on ne pouvait pas tout repiquer, mais pour au niveau de la batterie, si tu veux, on avait des micros sur toute la batterie, sur tous les fûts, et de manière à ce qu'on ait un joli son. Sinon, avec deux micros, il aurait fallu les positionner, et on n'allait pas avec la captation vidéo, c'était compliqué. On n'aurait pas eu le rendu. Tu sens que c'est retravaillé en studio? Il n'y a que l'acoustique qui a été retravaillée, il n'y a que ça. Sinon, tout le reste, c'est brut. Alors après, on a mis une reverb, on a mis une égalisation. Est-ce que tu as coupé la guitare pour pouvoir rajouter la guitare? Ah non, okay. Ah si, j'ai vu, mais si tu veux. En fait, j'ai refait la guitare pour la simple raison, c'est que le son n'était pas bon de l'acoustique. J'ai joué avec mon ampli, mon acoustique sur mon ampli guitare. Et dans le mix, sur scène, ça passait très très bien. Et à l'écoute, elle passait très très mal. Est-ce elle était moche. C'est difficile de rejouer dans le studio ce que tu joues en direct? Ben surtout que je l'ai fait sans avoir l'image. Oh. Donc c'était vachement difficile. Mais est-ce que ça suit la guitare? Tu verras. Okay. Alors aujourd'hui, je le dis, mais bon, parce que j'ai pas de honte, si tu veux, ouais. Comme ça. Mais on peut se dire à un moment, ah, peut-être qu'il y a un ou deux battements en plus, mais d'une manière générale, ce sont les mêmes guitares et ça a été enregistré en plus très vite derrière, ce qui fait que c'est les mêmes cordes, c'est le même son. Non, mais un type s'achète un DVD, place ton truc sur la platine, retourne le DVD, dit non, je crois qu'il y a un décalage entre le son et l'image. Non, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. J'ai une question de la fin. Les mêmes qu'il y a 2 ans, on va voir l'évolution. D'accord, oui, vas-y. L'intérêt de ce genre de. Oui, petit, ouais. Est-ce que tu te souviens? Écoute, après 2 ans, ben oui, je m'en rappelle. Tout tremble comme un mirage. mon corps est à la rage. Karim Perrault s'hôtel, Or et Mercure s'y font la guerre. Me fait peur, j'aimerais partir, mais aller où? Mon ange, les murs transpirent. Karim Perrault s'hôtel, c'est l'air de rien, l'heure d'en finir. Un vieux ventilateur brasse un minuscule enfer, piégé de chaleur. En moi me rend poussière. Décor de faits divers. Karim Perrault s'hôtel, Marco fait rouge comme un éclair. Tout tremble comme un mirage. Mon corps est à la rage. Karim Perrault s'hôtel, Or et Mercure s'y font la guerre. Toutes les rumeurs du Bronx m'appellent au dernier combat. Ta peau à zéro libère des flammes qui dansent sur moi. Mon ange, je t'aime en pire. Karim Perrault s'hôtel, c'est l'air de rien, l'heure d'en finir. Tout tremble comme un mirage. Mon corps est à la rage. Karim Perrault s'hôtel, Or et Mercure s'y font la guerre. S'y font la guerre. Accord de l'ascenseur, tu me gagnes en silence. J'entends seulement gémir. Karim Perrault s'hôtel, mon ange, je t'aime en pire. Je te laisserai pas en sortir. Tout tremble comme un mirage. Mon corps est à la rage. Karim Perrault s'hôtel, Or et Mercure s'y font la guerre. S'y font la guerre. Toutes les rumeurs du Bronx, toutes les rumeurs du Bronx, toutes les rumeurs du Bronx. Non. Si tu étais... Attends, il y a le téléphone qui oui, sonne. Oui, mais tu peux répondre, je fais un montage. Tu peux répondre. Oui, mais salut Pascal. Non. Oui, très très bien. Et toi? Pas génial ça. D'accord. D'accord. Faut les faire, un truc. Ouais. D'accord, d'accord. D'accord, bah écoute, pas de problème. Ça marche. Merci de me le dire. D'accord, bah sans problème, sans problème. Eh bien, avec plaisir, mais et même dans les mêmes conditions pour le, que tu avais, là, parfois, parfois on est d'accord pour venir jouer, quoi. Le principe, donc ça, ça marche, quoi. Oui, oui. Mais bah, il vaut mieux laisser tomber. Ouais. Ouais. Ouais, donc tu vas perdre. D'accord. D'accord. Ok Pascal, à bientôt. Merci bien. Au revoir. C'était pour une histoire de concert. Qui t'a annulé ? En fait, les gars voulaient organiser lors d'une conserve, une concentration de voitures, si tu veux, en septembre, un concert. Et donc, ils m'ont demandé pour, si j'étais dispo. Donc, j'avais dit oui, puis j'avais pas de réponse. Donc, je l'ai relancé. Et puis là, ils viennent me rappeler. Donc, je l'ai relancé tout à l'heure pour savoir si on bloquait la date définitive. Et puis, ils viennent me dire qu'à 10 km de là, il y a des gars qui font la même chose. Et que c'est déjà en place et que donc du coup leur concentration de voiture c'est annulé. Et ils vont l'annuler. Donc ouais, le concert sera autrement quoi. Et toi tu seras quoi alors? Bah il n'y aura pas de concert du coup ce jour-là si tu veux, mais on ira jouer autre part. Si tu étais un liquide. Un liquide. Oh. Aujourd'hui je vais dire un verre de vin blanc, un chassagne montrachet. Bien froid. Juste à température. Et tu commences à déboucher vers quelle heure? On va pas dehors, pas dehors pour ça. Tout dépend à quelle heure tu t'es couché. Ouais. Si tu t'es couché à 8h du soir, si tu t'es couché à 3h du matin ou à 15h de l'après-midi, voilà. Alors toi t'as pas d'heure, j'en ai pas d'heure de lever, c'est un troubadour. Bah, j'avais des heures un peu avant scolaire, mais là j'en ai plus. Alors t'es libre, voilà. Tu dors quand tu veux, tu rencontres des amis alors que tu veux. En gros c'est ça, j'ai une grande chance de vie, j'ai un grand luxe de vie, ouais. Un itinérant du quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui... Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Avec des obligations suivant les contrats. Mais se coucher à 3h du matin, à 8h, se lever à 6h du matin ou pas se lever du tout, tout marche. Si tu étais une ville. Une ville ? Aujourd'hui, je dirais Santa Fe. Ouais, ouais. Bah, parce que j'ai cette image de. J'ai beaucoup aimé cette ville. Un côté artistique très beau. Tu l'aimes plus? Si, si, j'aime toujours. J'aime toujours. Parce que tu parles au passé. Mais j'aime toujours. Mais il y a longtemps que j'y suis pas allé, si tu veux. Et j'étais à Tucson la fin de l'année, là. J'étais à Tucson. Et j'ai trouvé que c'était très joli. Mais donc Tucson, entre tout. Je dirais Santa Fe parce que je garde un tel souvenir de cette ambiance artistique dans cette ville, de sculpture, de peintre, de tout ça. C'est très artistique. Très artistique. Et j'ai aimé toute cette. Et puis on est dans l'ambiance western, entre guillemets. Oui, oui, oui. Et j'y suis plein pot en ce moment aussi avec Boris, on fait des westerns, quoi. J'ai envie de revoir tous les westerns à laquelle j'ai pu regarder quand j'étais petit d'ailleurs. Mais tu es très américanisé. Ben oui, je pense que oui, de par les choix musicaux au départ, si tu veux, d'écoute, de par aussi le fait que ma soeur, une partie de ma famille, soit aux États-Unis. Donc ben, automatiquement, si elle habitait Toulouse, ben, on irait la voir à Toulouse et on penserait autrement, mais elle est au Colorado. On penserait à Claude Nougaro. Oui, ouais, on aurait un regard différent, mais ça fait 25 ans qu'elle est là-bas, j'ai manqué dans mes rencontres d'y vivre, mais ouais, il y a un côté américain fort au niveau du rock and roll, c'est obligatoire quoi. Mais c'est pas quelque chose que tu as creusé, c'est quelque chose qui est évident. Oui, voilà. Oui, c'est pas quelque chose qui a été travaillé, loin de là. Si tu veux, moi quand je refais mon film des chansons qui m'ont percuté, le son de la Gretsch, c'est quelque chose qui m'a percuté. Le coup du vibrato sur Summertime Time Blues, j'en parle, tu vois, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons, voilà, tu vois. La chair de c'est, parce que l'image, elle est toujours là, quoi, pour moi, de ce coup de boule musical. Et c'était de la musique américaine, c'est du rock and roll, quoi. Et si tu étais une langue? Une langue? Alors, j'avais dû raconter une connerie la dernière fois. Vas-y. Et bien, en fait, je pense pas que j'avais raconté une histoire de langue français, anglais ou quoi que ce soit, et je m'étais orienté sur le baiser. Ah oui, okay. Avec le French kiss. Le French kiss. Nos corps en suspension. Onde de choc en eau profonde, l'évidence portait ton nom. J'étais bien entre tes lignes, je n'entendais rien. Tu m'écrivais bien. Quand une parenthèse s'invite entre un soir et un matin, c'est une bouche qui insiste pour un simple va-et-vient. Ma main glissait vers l'essentiel, une virgule glisse sous un point. L'envie de toi mise au pluriel, j'ai osé plus loin. J'ai baigné ta main, cette virgule qui prend ce point. C'était doux presque, au début enfin. Là où le cœur résiste, sans pudeur entre terrain. Tu baisais en majuscule, trait d'union jusqu'à demain. Entre très longtemps qui brûle. Ce souvenir jusque très loin. J'étais bien entre tes lignes. Je n'entendais rien. J'étais bien entre tes lits. J'aimais, tu m'écrivais bien. Fasse rien. Je bouge pas, je reste dans la même position. Et si tu étais une époque. Une époque, ouais. Quelques années. J'aime bien le côté contemporain, si tu veux, dans l'époque à laquelle je suis, parce que c'est celle où j'y suis. Donc j'ai pas un regret sur ce que j'ai pu louper ou pas louper, mais je me mettrai quand même quelques années en arrière, parce qu'aujourd'hui c'est pas beau. C'est pas très beau d'un point de vue mondial, puisqu'on veut tout. Il y a trop de gens qui sont tristes, malheureux, tout le monde en prend plein la tête. Un petit break, ça serait quand même vraiment génial, quoi. À Champillon, est-ce qu'il y a beaucoup de pauvreté? Non, j'habite dans un petit village. Il y a des gens qui, à mon avis, ont des biens, ont des terres. Et il y en a qui galèrent pour leur retraite et qui sont au minimum vieillesse. Je pense qu'il y a. Mais tu sais, la campagne, elle est riche de. Elle propose de quand on n'a pas de fric à la campagne, c'est plus facile que quand on n'a pas de fric à la ville. Parce qu'il y a la terre. Il y a la terre, tous les prix sont au minimum 30% moins chers qu'ici. Donc si tu as des courses à faire, il vaut mieux faire 100 km de bagnole. Hein. Si tu étais un mot. Un mot. Une couleur. Couleur. Ouais, couleur. Ouais. Si tu étais un aliment. Un aliment. Un aliment. Un pain au raisin. Un pain au raisin. Ouais, mais alors, feuilleté, pas brioché, avec une pâte feuilletée, hein. Du bon. Si tu étais une saison. Une saison. Je crois que j'avais dû te citer l'automne. Okay. Ou le printemps. Encore aujourd'hui. Et en fait, chaque saison, elle a toujours sa particule, beauté. Sa beauté. Et. Je serais partagé entre l'automne et le printemps. Et comme il y a quand même vachement de choses qui sont nouvelles en ce moment, et il n'y a rien qui s'endort, au contraire, je dirais le printemps. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel. Non. La main. Surtout pour écrire aussi. Ouais, écrire, caresser, jouer. Si tu étais une journée. Pardon ? Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée ? Crépuscule, ouais. Ça me fait le matin et le soir, ouais. Et voilà, crépuscule. Ouais. Si tu étais un autre individu. Excuse-moi, j'ai... Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Wow, ça je n'aurais pas à répondre à ça. Parce que si j'étais quelqu'un d'autre, ça veut dire que je projetterais sur quelqu'un d'autre. Et tu peux jamais connaître la vie de quelqu'un d'autre. Non, je resterais dans mes chaussures bleues. À choisir l'eau sweat shoes. Eh ben oui, tout à fait ça. Est-ce que tu l'as fait des fois? Oh bah ouais, obligatoire. Mais tu l'as pas fait au mini concert? Oui, on y retourne tout à l'heure. Ah oui, on fait un concert. Mais si tu peux revenir tout à l'heure à 19h30, on en fait un autre. C'est vrai? Et là, il y a trois musiciens, donc avec quoi ça ferait quatre? Eh ben écoute, moi, on a décidé de passer l'après-midi dans Paris avec mon ami qui doit être dans le coin, je sais pas où. Ok. Et si ça t'adore. Et je lui dis, quand je lui dis que j'étais là aux abeilles, elle pouvait pas venir. Elle me dit, écoute, c'est tellement chouette. Et elle me dit, on repasse ici. Et puis je dis, écoute, jeudi, moi je reviens. Et on passe la journée dans Paris. Et donc on se retrouve. Et on est garé de toute manière, juste à côté de chez Boris, okay. De toute façon. Okay. Et on se retrouve tout à l'heure, si tu veux. Il y a pas de problème. Un verre de chanson. Pas de problème. Oh, oui. Avec grand plaisir. Et puis en même temps, si j'ai l'occasion de passer à la voiture, je dois avoir un paire de DVD dedans. Excellent. Et ça. Sinon, je te l'enverrai au même titre que les maquettes. La nouvelle opus. Les maquettes, parce qu'on a quand même fait des maquettes qui sont vachement chouettes. Quoi. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Presque. presque. Ouais. J'ai fait des conneries. J'ai déloupé et des grosses pertes de temps. Et aujourd'hui, d'un point de vue, on va dire musical, professionnel, même humain, je pense que j'éviterai certaines choses. Pour aller plus rapidement, pour faire moins de peine. Pour faire moins de peine aux autres, à moi, et puis privilégier un essentiel qui est indispensable, quoi. Sinon on se perd. Et c'est un peu. Si je pense que j'ai un défaut, j'ai tendance à vouloir me disperser. Et même si je concentre pour justement ne pas me disperser, quand tu te disperses, tu n'arrives à pas grand chose. Au bout d'un moment, il faut vraiment rentrer dedans et bosser, quoi, pour avancer. Mais là, tu as changé depuis quelques années, tu es beaucoup plus concentré. De plus en plus, oui, de plus en plus. Et j'en suis ravi. J'en suis ravi. Alors il y a des moments où j'ai envie de m'évader, entre guillemets, de repartir autre part. Mais quand je me retrouve à rejouer, je prends un tel plaisir que je me dis c'est vraiment là qu'il faut. C'est là vraiment là que je dois rester. C'est là que tu exultes. C'est ta raison. Ouais, complètement. Si tu veux, c'est d'ailleurs ce qui me fait un peu défaut, entre guillemets, pour moi aujourd'hui. J'ai pas assez de. Alors que j'ai une chance fabuleuse. Et plein de belles choses qui chaque jour se confirment, mais j'aimerais avoir plus de scènes. En banlieue, est-ce que c'est plus facile en région? Je crois que tu peux plus facilement gagner ta vie en région qu'à Paris. Parce qu'à Paris, on va te proposer. Il y a moins d'artistes aussi en région. Bah, non, il y en a pas mal, mais si tu veux, on va peut-être plus privilégier certains concerts. Aujourd'hui, la plupart des endroits où tu peux jouer sur Paris, si tu espères, c'est difficile à remplir. C'est difficile, le fric, il n'est pas évident à mettre en place. Ouais, c'est difficile à remplir. Ce qui serait génial, c'est d'avoir le public de l'un qui vient applaudir le public de l'autre et de faire des choses ensemble, parce qu'on est nombreux à être à faire de choses qui sont bonnes, mais on n'a pas on a tous du mal à remplir 400 personnes sur Paris, quoi. C'est compliqué. Si tu passes ce soir pour un mini-concert, est-ce que tu vas faire la toute nouvelle chanson que tu pratiques depuis une semaine? Non, parce qu'on ne l'a pas validée ensemble. Okay. Je peux te la faire écouter off. Ah non. Mais comme on l'a pas validée avec Boris, okay. Il peut retrouver... Tu d'accord. Il peut me dire, tout compte fait, on va retravailler ça autrement, okay. On va retravailler ça comme ça. Ce moment-là, je change. Elle n'est pas finie. Okay. Elle n'est pas finie, mais elle est géniale. Elle est super belle. Je te fais Blue Sweat Shoes. On se retrouve tantôt. Avec grand joie. Si tu veux confirmer sur mon cellulaire, là, tu m'envoies un SMS. Tu m'envoies un petit SMS. Si tu peux ou si tu peux pas. D'accord, mais parce que ça se peut qu'il peut arriver n'importe quoi. De toute manière, je serai dans le coin parce que je suis garé pas loin. Et puis, on a décidé de passer la soirée dans le quartier. Excellent. Donc, tu vois, je sais pas où on ira manger, je sais pas quoi que ce soit, mais on va rester dans le quartier. Parfait. Alors, on se revoit tantôt. Ah, avec joie. Hey, c'est trop agréable. Mais vive les improvisations comme ça. Parce tu m'étonnes. Hein, mais c'est intéressant. C'est ouais, ça, c'est génial. Parfait. C'est génial, tout ça. Est-ce qu'on peut entendre Blue Sweat Shoes? Oui, on peut entendre Blue Sweat Shoes. Est-ce que tu peux raconter un peu l'histoire de tes... Mes chaussures bleues. Alors, depuis... je devais avoir 13-14 ans, j'avais une paire de Creepers. Oui. Grise à l'époque, avec une boucle, et je m'en rappelle encore. Et je recherche depuis des années une paire de chaussures bleues similaires à celle-ci, si tu veux. Et j'arrivais pas à en trouver, ça existait mille fois dans plein de boutiques, on appelait ça des Richelieu ou de je ne sais pas quoi, ou des... qu'importe. Magasin grande surface. Presque. et j'en trouvais pas. Et puis l'autre jour, je tombe par hasard sur un site qui font des Creepers. Donc, comme je suis un gros fan de rockabilly, je regarde dedans. Et là, tu peux faire la chaussure que tu veux. Bleu, rouge, rose, en cuir, en fourrure, lacet, pas lacet. Donc j'étais vachement content et donc j'ai pu faire ces chaussures-là, qui sont donc mon cadeau d'anniversaire. Sur mesure. Elles sont faites à la main, elles sont presque sur mesure parce que c'est au niveau du design, c'est ouais. Moi qui l'ai demandé. Mais voilà quoi. Alors, Blue Sweat Shoes, est-ce que c'est d'ici à faire? Ah, bah oui, avec les grands plaisirs. Ah, plaisir. C'est bien. Parce que, comme les autres chansons, je les connais pas, mais celle-là, je les connais un peu. Ah, bah avec grand plaisir, c'est ça qui est génial. Donc on va essayer. Puis aussi, on commence à taper dans les classiques rock. On est là jusqu'à demain parce qu'il y a 101 chansons là. Je connais plein aussi. Alors, Fais un peu de ton. Voilà, voilà. On est presque juste, c'est bon. C'est super alors. C'est vraiment juste pour des gens qui jouent dans la rue. Well, it's a one for the money, a two for the show, a three to get ready, now the go-karts go where, don't you? Still my blues with you. Well, you can do anything, but lay all of my blues with you. Well, you can burn my house, steal my car, drink my liquor from the county jar, and do anything that you're gonna do, but baby, lay all of my shoes, where, don't you? Set on my blues with you. Well, you can do anything, but lay out of my blues with you. Come here, right. Well, you can burn my house, steal my car, drink my liquor from the county jar. Do anything but you wanna do, but baby, lay off of my shoe, why don't you? Sell my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off my blue suede shoes. Hey, keep it up. The money and two for the show. I'm free to get ready now. Go cats, go, where don't you? Step my blues with you. Well, you can do anything, but lay off my blues with you. And that's what I want. But it's blue, blue, a blue sweat shoes. Blue, blue, a blue sweat shoes. Blue, blue, a blue sweat shoes. Blue, blue, a blue sweat shoes. Well, you can do anything, but lay off my blue sweat shoes. C'est ce qu'on recherche hein, dans la musique, c'est une certaine spontanéité c'est ça, et amusement. Le smooth. Qu'est-ce que je sais pas, tu veux jouer dans autre chose? Une autre dans le même registre. Vas-y. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir je sais pas, qu'est-ce que tu veux chanter? Ah bah... je sais pas. un truc de rock, qu'est-ce qu'on pourrait chanter Un standard. Standard, ouais. À deux. Rock de Pâques. Non, non, plutôt galère. Qu'est-ce qu'on pourrait chanter à deux Je connais des trucs comme. All the guys on the way through. Sweet little 16. Sweet little 16. She just got to have about a half a million. Famed or the rest. And while it's filled with pictures, she gets them one by one. Become so excited. Watch her look at her run. Well, they're rocking on the bandstand with a WPA. They're giving hard on Texas, down by the Frisco Bay. Well, oh, we're seeing Louis, we got the New Orleans. All the cats gonna dance with three little 16s. Little 16, she's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick, sporting high-heeled shoes. But tomorrow morning, she had to change her train. She'll be sweet 16, back in class again. So she's walking in Boston, she's 38. He gives her home in Texas, now by the Frisco cold day. Well, over she knew me, we down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. All the cats wanna dance with sweet little 16. All the cats wanna dance with sweet little 16. Yeah. Pas mal. Pas mal. Vive le rock. Pas mal. Bravo, bravo. Hein, ça fait du bien. Ouais, c'est fun ça. Hey, ben merci. C'était. Merci à toi, Rénal. Tu nous amènes du fun et de la régalade. Ben ouais. Et on en a vraiment besoin. Et comme tu disais tout à l'heure, jouer dehors, c'est top. Ah ouais, jouer tout court, c'est top. Ouais. Jouer dehors, c'est vraiment génial. Et puis c'est génial de jouer ensemble. Ouais, ah, écoute, ben c'est super. Ben oui, aucune pratique. Alors donc, c'est le plaisir du déséquilibre. On ne sait pas où ça peut nous mener. Bon, ouais. Je joue vachement bien. Merci Chuck Berry aussi. Aussi, ouais. Ah oui. Ben oui, hey, c'était... Ouais, c'était fun. Est-ce que tu peux nous en faire une dernière? Si tu veux, oui. si tu veux. Avec joie. Avec parfait, joie. Merci. On est resté dans le côté un peu rock. Je vais te faire péage. Ok. Ça ou c'est moi qui ai un acouphène? Si, si, il y a un truc ici. Est-ce que je me suis dit que j'ai un acouphène tout à l'heure? Non, j'ai les oreilles qui sont fracturées. On a le même problème, mais j'ai les oreilles qui déconnent et le truc là, c'est ça. Je dis, j'entends pas. La musique est trop forte. Tu dis, il vient d'où ce putain de ça? L'intérieur ou l'extérieur? T'es là. Ça fait une demi-heure que je me pose la question, mais non, il est dehors. Larsen. C'est marrant. On a pas mal de trop. Soleil te fait la peau, je parle avec une orange. Tu te grilles au fond d'un seau, en attendant que tout ça change. Tu n'as plus le courage vers les églises le dimanche. T'as mangé ton chapeau, tu peux même plus la faire la manche, bel ange. Tu n'as même plus d'âge. Je m'attendais pas à te voir là, la tête sous ce gros nuage vert de gris. C'est bien comme ça. Bien comme ça. La pluie te fuit dans le ruisseau, mais ça ne noie pas les souvenirs, ni la vie et ses cadeaux, pas plus que ceux que t'as fait fuir. Tu n'as plus le courage de nous regarder en arrière. Tu étais si belle en nage, tu naviguais et j'étais fier. Sorti de péage, je m'attendais pas à te voir là, la tête sous ce gros nuage vert de gris. C'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Maintenant je peux bien te le dire, j'avais quelque chose pour toi. Tu sais, y en a eu plus d'un soupir quand il est parti avec toi. Il y a eu d'autres péages, d'autres douanes à passer. Et toujours sans le bruit de tes pas loin derrière moi. C'est bien comme ça. C'est bien comme ça. C'est la partie un peu plus tard qui doit être un peu. Tu n'as plus le courage de nous regarder en arrière. Tu étais si belle en nage, tu naviguais et j'étais fier. Sorti de péage, je m'attendais pas à te voir là. La dernière scène sous l'orage où t'appuies, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. décroches avant. De quoi? De nous faire... Je veux pas que tu décroches ton... la courroie avant que tu nous fasses la chanson. C'est l'interprétation là, que tu nous as fait de Bergman. De Yuri, là? Oui, oui, oui, ouais, ça serait bien, c'est... ça serait bien. Avant, vraiment, là, ça conclut. Là. Si tu veux. J'en si rajoute veux. Plus. Si tu veux. Alors là, dans la précédente, j'ai un moment un peu ou deux rappé dans le premier couplet et le deuxième couplet. Mais, Ça a pas parlé. Vous les connaissez pas? Ça, ça a pas parlé. Tout le monde était de ça. Raconte pas, me dis rien, la rumeur a fait son chemin. Je sais que Péki sous nous nous vaut rien. Péki sous de la classe, la plus belle loupe de Texas, se met la corde au cou, grand bien lui fasse. Celle que j'ai mise en musique, qui a soufflé tous mes mots, que va devenir la femme d'un flic, un fils de la fils de l'Idaho. Je ne dis plus rien, plus un mot, ce que tu sais, je le sais trop. Peggy se souvient d'épouser un soto. Pas à l'église, j'aurais aimé voir ça. Je dois me rendre à l'aéroport et l'avion, j'aime pas ça. Dis plus rien, plus un mot, ce que tu sais, je le sais trop. Peggy se souvient d'épouser un sopo. Peggy se souvient d'épouser un sopo. Alors, merci d'être venu. Je t'en prie, c'est un vrai plaisir d'être là. Et là, c'est vraiment a cappella, c'est presque a cappella avec ta guitare, voilà. mais aucune fourriture. Et nous sommes aussi dans un parc. Voilà. Aux Abbesses. Oui, exactement. Et là, tu vas nous faire quelques compos. Voilà, j'ai commencé la première, c'est donc de l'ancien album, oui. Entre tes lignes, avec qui s'appelle Hambourg. Ok. Descendu du les gens corsaires, venant d'un dock où rien ne part, craché par un navire de guerre, ici n'est pas l'éclat du phare, déesquité au vent contraire, je l'ai suivi en clandestin, ton corps appelait au passagère, intemporelle, les laissé là où rien ne part. J'ai vu en tout à travers elle. Elle a visité au hasard, baladé en hésitation, tout le chagrin et le territoire. Depuis en bout à ma chanson, moitié de cuir, moitié brouillard. J'ai vu cette fille au bout d'un soir. J'ai vu cette fille chercher son âme, voguer amère à fond de l'âme. Moitié marquise, moitié polar. J'ai vu cette fille hantée en boue, silhouette maltaise, tracée noire. Offrir la vie, c'est pour vous. Je t'écris une histoire, une fresque étrange. Avec Chiara Cantarini et en fait c'est la fin de plusieurs ébauches de textes. Okay. D'abord ça a été une chanson qui s'est appelée Quai 13. Pourquoi Quai 13 par rapport toujours cette histoire de bateau, de port. Après ça s'est appelé il y avait l'histoire de la passagère qui était là avec un baiser volé, des choses comme ça dans l'histoire. Et puis c'est un jour il y avait le mot Hambourg et je lui dis écoute, on peut pas l'appeler autrement qu'Hambourg. Et elle m'a dit, t'as raison, oui, c'est devenu en bois. Voilà, donc elle a eu comme. Elle n'a pas eu un seul. C'est pas un premier jet d'écriture, ça a vraiment été une chanson qui a été écrite, qui a demandé un peu de temps. Et Tu l'as tricoté. Ouais, on l'a tricoté. Pas au niveau de la musique, ni de la mélodie, mais au niveau du texte. Il a pris du temps. Mais ça coule de source. Ça coule de source. On sent vraiment la limpidité malgré le temps passé à raccorder tout ça. Ouais, et c'est de là l'intérêt, c'est de là aussi le fait d'avoir réussi cette chanson-là. Oui, et puis je l'ai joué à Hambourg, je l'ai chanté à Hambourg. Et alors, même si tout le monde parle allemand, et oui. C'est une chanson française, mais c'était très émouvant pour moi de la chanter à Hambourg. C'était un truc de dingue. Chanter Hambourg à Hambourg, waouh! c'était génial ça. La deuxième? Alors la deuxième, on peut en faire une petite nouvelle. De signer Boris Bergman. Oui, tout à fait. Et musique? Renaud Bernal. Mais est-ce que c'est toi qui as proposé la musique? Oui, la musique et la mélodie, c'est moi. Mais c'est toi qui as proposé à Bergman avant la musique et lui, t'es arrivé avec un texte. Et lui, derrière la mélodie, derrière mon yaourt, il me colle des paroles qui sont pile poil ce que j'ai à chanter, quoi. C'est fabuleux. Okay. Fabuleux. C'est du prêt à porter. Mieux que ça encore. C'est du high class à porter. Mais on voit que tu es très content de la collaboration. C'est un cadeau. Bah c'est un virage dans ta carrière. Ça peut-être l'être. En tout cas, ça m'a amené autre chose au niveau de la pensée musique. Ça, c'est obligatoire, la pensée de la chanson. Et ça m'a conforté dans mes convictions. Et puis, c'est un vrai cadeau. C'est, euh, qu'elle vienne, je ne sais pas ce que ça en dira, mais aujourd'hui, c'est exceptionnel, exceptionnel pour moi. Exceptionnel. On va écouter le duo et la nouvelle chanson qui n'est pas encore indiquée. Ah ben non, il n'y a rien, rien qui est indiqué. C'est un scoop. Au niveau radio, ils sont jamais. Yeah, on les a joués en concert, mais il n'y a que toi qui les a. Excellent. Voilà, c'est un trésor. Alors, et ça s'appelle? Alors, il y en a plusieurs. Ok, tu fais un pot pourri. Non, je te les fais entier. Okay. Je te les fais entier. Couper le texte, c'est pas une bonne chose. Ouais, surtout du Boris. Ouais. Et on peut faire un truc un peu tranquille qui s'appelle De belles couleurs vives. Okay. En fait, c'est une chanson où il n'y a pas de refrain. Et il a vu un film, si tu veux. C'est une chanson où le gars est assis avec sa gratte et puis il regarde. Il voit toutes les scènes et puis à un moment... Il fait un travelling. Il fait un travelling, voilà. C'est ça, il s'appelle De belles couleurs vives. C'est assez cool. Magasin fermé, encore une journée où il ne s'est rien passé. Y'a un bruit qui court dans la ville d'à côté. Le chien loup du shérif s'est fait renverser. Saleté bleue du ciel, je le fuis dans le sommeil. Paraît que l'ennui, c'est moi. À vos soleils, deux années déjà, que pas loin de moi, un vieil homme s'est fait tuer par son employé, sans doute mal payé, sans doute mal aimé. Si ce n'est pas ça, c'est qui et c'est quoi? Rideau de fer ouvert pour l'anniversaire de la fille. C'est l'ami du maire, elle prend jamais tes selles. Elle traverse la rue, la belle inconnue, qu'a emménagé dans la maison vide, celle qu'on dit hantée, va l'assassiner. Premier jour d'été, le ciel se déride, c'est une belle journée. Valise pleine à craquer, le taxi attend, il est couleur crème, moi j'ai mis du blanc. Dernier après-midi, dans cette ville sans nom, dans cette ville sans vie, où meurt l'horizon, de belles couleurs vives. Je vais tenter de vivre. Avec les clochers qui... Allez, c'est beau! On est synchro. C'est magnifique. C'est Je vais tenter de vivre. Bonjour. C'est du Boris Bergman. Ça va, l'ami? Eh oui, très bien, toi? Ah ouais. Ouf, ouais, t'as galéré? Galéré dans les transports, là, en ce moment. Ok. Ouais, c'est compliqué aujourd'hui. Oui. En ce moment, Paris, c'est compliqué. C'est trois lignes qui reprennent à 20h30. Oh. Et maintenant? Eh bien, maintenant... Parce qu'on va... On va écouter son mini-spectacle parce qu'il doit partir à Lille. Donc, après ça, on va chez lui. Parfait. Okay. Du coup, tu filmes ou tu prends des photos? Prends des photos et... Une autre chanson qui s'appelle Dimanche et lundi. Encore de Bergman, nouvel opus. Ouais, voilà. Et donc, et en fait... souvent, après une rupture, tu peux faire ton film donc, en imaginant que telle peut être celle que tu as aimée ou que tu aimes encore. Fais quelque chose, fais ci, fais ça. Ah et oui, donc okay. Tu visionnes, alors tel jour fais ça, tel jour fais ça. Ah oui, et en fait, le mec, il est tout seul dans sa voiture avec sa caméra et c'est son travelling. C'est ça. Et ça s'appelle Dimanche et lundi. Devant l'école, tu lui dis à ce soir, tu redresses son corps, tu renoues ses lacets. Quand elle te parle de moi, tu réponds peu. Ne réponds pas, c'est dimanche, tu l'aides à finir ses devoirs. Tu lui dis que papa ne sera pas là ce soir. C'est dimanche, tu te laisses. Cherches-tu encore ma main? Déjà lundi soir et le retour de la pluie, il est encore en retard. Tu t'es mise à l'abri, tu comptes les secondes qui sont des heures pour moi. Je vais pas en faire un monde. C'est bien comme ça, c'est dimanche, tu l'aides à finir. Tu lui dis que papa ne sera pas là ce soir. C'est dimanche, tu te laisses couler dans le sofa. Cherches-tu encore ta maman? Je suppose que tu n'as pas vraiment changé. J'abandonne et comme toujours je touche le sol, je fais marche arrière à deux pas du manège. Il est bientôt 5 heures, il tombe un peu de neige. C'est dimanche et tu l'aides à finir ses devoirs. Tu lui dis que papa ne sera pas là ce soir. C'est dimanche, tu te laisses couler dans le sofa. Cherche encore ma main. C'est dimanche et tu l'aides à finir ses devoirs. Tu lui dis que papa ne sera pas là ce soir. C'est dimanche, tu te laisses couler dans le sofa. Cherches-tu encore ma main? Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.